tes sentiments sont si... difficiles à atteindre. J'ai beau essayer à chaque fois. On me renvoie sur les roses. Tu me renvoies balader. Je t'offre des roses et d'un direct. Sur les roses, je ne sais pas comment te dire que j'ai le vertige. J'ai le vermicelle un peu fou. J'ai le vermicelle en feu. Je te voudrais, je vous voudrais te voir être avec toi un peu. Tenir ta main, tenir ta jambe. Tu sais très bien, je voudrais être avec toi. Te caresser la main, la joue. Et t'embrasser, te serrer contre moi, afin que ça fasse nous. Je voudrais maintenant que tu sois. Heureuse. Heureuse un peu. Même si je n'y arrive pas à faire que tu sois. Je n'arrive pas à faire que toi et moi, ça fasse nous. Pourquoi tes sentiments sont si difficiles à atteindre ?